Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule, ma poule? Ouais, faut voir. J'ai passé ma nuit à harceler mon banquier pour qu'il comble dardard son foutu découvert. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit? C'est une patiente ce matin, professeur Colin. Dossier Epsilon 007. 007, c'est une James Bond girl, Mauduit? Mais non, je vous la fais en trois briques, professeur Colin. Blonde. Jean Sarkozy. Mais non. Hollywood. Schwarzenegger? Non plus, écoutez bien. Pompidou. Monroe. On traite le dossier Marilyn Monroe, mais elle est morte, Mauduit. Non, professeur Colin, elle n'est pas morte. Stars never die. Mouais. Bon, nous allons voir ça. Étudions le dossier de cette intrigante patiente, professeur Mauduit. Maniez-vous le train, les biffins ! Apportez au labo le dossier Monroe ! Allez, Marilyn, à table. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est une chose personnelle et embarrassante aussi. Mais je ne suis pas le genre de fille que vous croyez. Mais... je crois que beaucoup de gens diraient de moi que j'ai mené une vie dissipée, et ils auraient raison. Je me suis dit que je ne suis pas la femme que vous croyez, pas du tout. Oui, mais alors qui êtes-vous, mademoiselle Monroe? Une victime expiatoire sacrifiée sur l'autel de la phallocratie? Ou un fiefé démon de la tentation? Va savoir. La mission du ministère psychique consiste justement ce matin à trifouiller l'architecture mentale de la patiente, dans l'espoir, bien entendu, de te dévoiler ce qui se planque derrière la jolie panoplie de Mademoiselle Monroe. Un dossier particulièrement complexe. D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer immédiatement les étranges symptômes qui nous turlupinent chez Marilyn. Eh oui, qu'est-ce qui nous turlupine, professeur Colin? Eh bien, en premier lieu, c'est ce syndrome évident de schizophrénie religieuse, tendance bouffeuse d'hommes. En effet, une bombe sexuelle, qui plus est chanteuse, et qui cherche à séduire un président de la République, franchement, ça fout la trouille. Ensuite, la donzelle a développé une obsession monomaniaque pour un métal noble et non corrosif, le platine. Et enfin, faudrait fouiller pour comprendre pourquoi la revanche de cette gamine de prolo devenue l'icône d'Hollywood a si mal tourné. Quand on sait que le suicide de Marilyn Monroe est un des éléments de ce que j'appellerais le star system, je crois qu'il est assez étonnant qu'il y a plus de 50 ans, Mauriac ait senti à la fois l'ensorcellement et le danger de ce star system. Et je me souviens encore de l'oraison funèbre qu'il a faite à Marilyn Monroe, dont il disait qu'elle fut à la fois accablée et comblée. Oui, accablée et comblée. Curieux paradoxe chez Mademoiselle Monroe. Ainsi, pour analyser la troublante psyché monroesque et afin de répondre aux exigences de notre gouvernement, nous tenterons ce matin d'établir un diagnostic non négociable afin de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de la patiente Monroe peuvent encore s'avérer dangereux pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, Monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique et fais connaissance avec cette diablesse du ministère psychique. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, poop-poop-pidoo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you. C'est Marilyn qui veut qu'on l'aime. Pom pom pidou. Si on est Wagner ou si on est Goethe, eh bien je crois qu'on peut être analysé sans aucun danger. Parce que le génie est indépendant justement de cela. Et ça peut même vous enlever certaines inhibitions. Avant tout, le ministère psychique approuve les assertions de la princesse psy Marie Bonaparte, pionnière de la psychanalyse en France. Réflexion introductive à notre séance du jour consacrée ce matin au dossier psychologique du cas clinique Norma Jean Mortensen ou de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe bien sûr. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans les expériences de la vie de notre patiente, tout ce qui pouvait dénoter de dérives névrotiques profondes. Oui, mon ami, quelle peut bien être l'architecture mentale de la divine Marilyn ? Bien, tout d'abord, ce n'est une révélation pour personne, mais Marilyn Monroe était une véritable accro des divans de psychanalystes et des flacons de barbiturique. À partir du milieu des années 50, Marilyn a fréquenté quotidiennement des psychiatres, comme Anna Freud, la fille d'eux, ou surtout Ralph Grinson, le psy des stars. Et oui, l'angoissée Marilyn a consommé la psychiatrie comme une drogue pour décoller du réel. Parce que le monde réel, derrière les paillettes hollywoodiennes, il est parfois bien loin de l'image fantasmée et glamour de la blonde platine. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a ressenti le chorégraphe français Roland Petit qui nous narre son incroyable vision de 1954. Faisant mes premiers pas dans les studios de la 20th Century Fox, je croise tous les jours une blondasse, un gros pétard dans un blue jean, pas maquillée, insignifiante, genre paumée. C'est Marilyn. Quelque temps après, sur le tournage de There's No Business Like Show Business, j'assistais à la grande descente d'escalier de Marilyn Monroe, superbe sirène dans son fourreau de pierreries, serré sous les genoux, ce qui l'empêchait de marcher. Marilyn n'arrivait pas à descendre les marches de l'escalier en mesure. À la dixième prise, sa robe se déchira, on arrêta le tournage, elle descendit les marches, vexée, les mains croisées devant elle, comme pour cacher quelque chose. Pendant que trois habilleuses recousaient sa robe à ses pieds, on nous présenta. Elle me tendit la main. « Je suis enchanté de vous connaître. » Mais comme je lui serrais la main, elle dit en faisant sa fameuse moue, « Je suis très déçu, je croyais que tous les Frenchmen baisaient la main des dames. » Et voilà, Encore une désillusion dans la vie de Marilyn. Elle pensait que tous les Frenchmen baisaient la main des dames, alors que, comme nous le disait Yves Montand, son amant épisodique, la main de Marilyn c'est bien, mais le reste c'est mieux. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Ainsi, auprès de sa blonde en 1960, lors du tournage du Milliardaire, il était béat, Yves Montand, à tel point qu'il en a un peu oublié Simone. Mais pour Yves Montand, le plus dur fut surtout au moment de quitter Hollywood et de dire adieu à Marilyn. Il va falloir se quitter. J'aurais aimé te garder, mais si je t'en mêle, on coule. Ça me fait de la peine. Et d'un côté, il vaut mieux parce que ici, tu es chez toi. Tu as tes habitudes. Et oui. Et puis tu comprends la langue. De toute façon, j'aurais pas pu te garder parce que j'habite un quatrième sans ascenseur. Hein? Tu me comprends, dis? Tu m'aurais pas dit. Hein? Adieu, ma vieille copine. Adieu, c'est vache quand même. Mais bon, en 1960, aux côtés de Marilyn, en plus de ses psychanalystes, vit le dramaturge Arthur Miller, que Marilyn avait épousé 3 ans plus tôt. Un gaillard toujours disposé à rasséréner la star. Tu es très très belle. Tu plais à un nombre considérable de gens, parmi lesquels je suis sûre des types très bien. Enfin, il y a quelques débiles mentaux à qui tu déplais. Et s'ils ne m'intéressent pas? Attends, tu leur déplais, et tu le sens. Tu paniques. Comme tu ne peux pas supporter l'idée du moindre échec, tu te rabats par précaution sur des mecs qui sont infiniment en dessous de toi. Comme ça, t'es sûr. Entre parenthèses, tu as tort, parce que tu plairais encore mieux aux gens très bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dis pas que ça soit conscient chez toi. C'est un choix qui s'opère entièrement à ton insu. Mais c'est vrai. Mais c'est faux, j'ai jamais aimé que des garçons très bien et puis très difficiles. Non, non, ils ne sont pas bien et très difficiles. Tu pourras en trouver des beaucoup mieux. Eh oui, Marilyn pouvait en trouver de beaucoup mieux. Tandis qu'à l'inverse, dans le stéréotype de ce début des années 60, aucun homme ne pouvait trouver mieux que Marilyn. Pourtant, comme elle le disait elle-même avec raison, une carrière, c'est épatant, mais on ne peut pas s'y blottir la nuit. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde et refleurir les lilas? En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui peut bien faire pleurer les blondes peroxydées? Eh bien, c'est la question que se pose Jean Lanzy le 6 août 1962 pour Interactualité. La mort d'une femme alors qu'explosent des bombes de dizaines de mégatonnes. Le suicide d'une star, 17 ans, à un jour près, après les 100 000 morts d'Hiroshima. La mort d'une femme, vous direz peut-être que c'est peu de choses tout compte fait, alors que sur notre planète, des exemples nous sont donnés quotidiennement de la persistance de la folie humaine. Et pourtant, Marilyn nous donne un peu la clé de notre siècle à travers le titre d'un de ses films, Les Misfits, Les Inadaptés. Elle l'était, elle, inadaptée, et son mari Arthur Miller le savait bien en écrivant le scénario de ce film qui était une sorte de biographie transposée. 36 ans, 20 films, une gloire éclatante pour une enfant autrefois perdue. Elle n'en était jamais revenue, semble-t-il, de cette gloire, de ce clinquant. Bref, ce cercle infernal de l'admiration des foules qui est à la fois une raison de vivre et, à l'occasion, un prétexte pour mourir. C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn, au cœur d'or tandis que West Side battait tous les records. C'était l'année 62. C'était l'année 62, une année terrible. Car avec la disparition de Marilyn, c'est une certaine image de la femme qui disparaît. D'ailleurs, 62, c'est aussi la crise de Cuba avec la crise des missiles, enfin des obus quoi. Quoi qu'il en soit, l'attirance de Marilyn Monroe pour la psychiatrie intrigue le ministère psychique. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, et afin d'éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien. Professeur Colin, vous m'avez demandé aujourd'hui d'étudier le cas complexe de notre patiente, Mademoiselle Marilyn Monroe. Et mon rôle fut évidemment d'essayer de mieux comprendre cette figure dominante de la seconde moitié du XXe siècle qu'est Norma Jean. Mais d'ailleurs, pourquoi ce prénom Norma ? Eh bien, certains disent que ce prénom aurait été donné à Marilyn en hommage à l'actrice du cinéma muet Norma Talmadge. Ouais, faut voir. D'autres y voient un clin d'œil à la station de ski, la Norma, dans les Alpes. Pourquoi pas, mais j'en doute. Faudrait-il chercher l'explication vers l'opéra Norma de Bellini ? Ah, là, je pense qu'on chauffe. Et oui, pour ma part, j'imagine que l'origine du prénom Norma, tel qu'il apparaît sur l'acte de naissance de Marilyn, vient de Norma, une tragédie en 5 actes, écrite en 1831 par Alexandre Soumet, que l'on comparait alors à Victor Hugo et dont s'est évidemment inspiré Bellini pour écrire son opéra. Alors, je vous explique qui est cette Norma d'Alexandre Soumet. Nous sommes en Gaule, alors occupée par les Romains, et Norma est une grande prêtresse de la Gaule, tout comme Marilyn d'ailleurs. Bon, pour écrire sa Norma, Alexandre Soumet s'est inspiré des amours illicites de la druidesse des martyrs de Chateaubriand. Et oui, une petite potion magique, ce ne sont que quelques herbes en décoction pour une courte tisane. Alors, professeur Colin, vous allez me demander sans doute, mais qu'est-ce qui peut bien réunir Norma Jean et Alexandre Soumet ? Vous allez évidemment me rétorquer, cette démonstration-là, c'est capillotracté, soit. Mais si je vous dis que le 16 avril 1831, à la première de la Norma de Soumet au théâtre de l'Odéon, c'est Mademoiselle Georges qui tint le rôle titre. Et si je vous dis que Mademoiselle Georges a été la maîtresse de Bonaparte, vous voyez la relation. Être Norma, c'est vouloir être la favorite du prince, aux Tuileries ou à la Maison Blanche. Bonaparte disait d'ailleurs de Mademoiselle Georges qu'elle a les abatiques canailles. Alors que Kennedy disait à Marilyn « Canaille, kiss you !» Et oui, oui, encore une fois, vous allez me rétorquer, Napoléon et Mademoiselle Georges, ce fut furtif, sans doute beaucoup moins sulfureux que Marilyn et Kennedy. Ah, il est certain que Marilyn choucroute platine et ses normatifs contrastent beaucoup avec la coiffure de Jackie et son petit caressage. Eh oui, oui, professeur Colin, sans vouloir faire une analyse lacanienne de comptoir, pour percer la psyché de Marilyn, il faut comprendre sa coiffure. Orpheline, elle n'a jamais connu son père et a essayé toute sa vie de trouver un remplaçant dans le père oxydé. Et car, professeur Colin, la coiffure est bien souvent le miroir de nos passions humaines. Et pour Marilyn, c'est la détresse, tandis que Sheila, elle a des couettes. Excellent, professeur Mauduit. Et je pense qu'après cette analyse comportementale globale de Mademoiselle Monroe, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Troubles schizophréniques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales qu'a pu développer l'incroyable Marilyn au cœur d'or qu'on aime encore. Redis-moi que tu m'aimes, même si tu mens un peu, même si tu mens beaucoup, même si tu t'en fous. La vie est une mignonne qui m'a pris par la main, promener le long de ses rues, promener le long de ses reins. La vie est une madone qui m'a pris en son sein, j'ai bu à gorge et goulu, je ne me souviens plus de rien. Redis-moi que tu m'aimes, même si tu mens un peu, même si tu mens beaucoup, même si tu t'en fous. La vie est une garçonne que j'ai croisée en chemin, je me sentais un peu tendu, le temps d'un va-et-vient. La vie est une patronne que j'ai suivie comme un chien, dans tous ses sous-entendus qui ne menaient à rien. Redis-moi que tu m'aimes, même si tu mens un peu, même si tu mens beaucoup, même si tu t'en fous. Redis-moi. dis-moi que tu m'aimes, même si tu m'en veux, même si tu le joues, même si tu t'en fous. La vie est une catin qui a sur le ventre un écrin qui vous fait perdre la vue. La vie du quotidien, la vie est une putain faite de soie de satin qui fait que je t'ai perdu alors qu'on ne faisait qu'un. Redis-moi que tu m'aimes, même si tu mens un peu, même si tu mens beaucoup, même si tu t'en fous. Redis-moi que tu m'aimes, même si tu m'en veux, même si tu le joues, même si tu t'en fous. C'est ce que réclame Chet. Oui, et bah t'as qu'à suivre un peu, mon vieux. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Avant tout, avais-tu déjà remarqué que Marilyn Monroe portait les mêmes initiales que Marie-Madeleine, la dernière tentation du Christ ? Parallèle saugrenu, me diras-tu. Eh bien, laisse-nous te démontrer combien cette curieuse analogie nous en dit long sur les aspects psychiques refoulés chez Marilyn Monroe. Vois-tu, Marie-Madeleine, rousse platine, fut disciple de Jésus, et certaines théories apocryphes évoquent même qu'elle fut l'épouse du Christ. Oh là là là là. Du coup, effrayée par l'hypothèse d'une chasteté foireuse du Seigneur, l'Église catholique a immédiatement reconstruit l'image d'une Marie-Madeleine prostitute, bouc émissaire idéal pour condamner le plaisir charnel. En gros, Jésus aurait su dire non à cette garce qui se trémoussait devant lui. Ben voyons, pauvre Marie-Madeleine. Mais revenons justement à notre comparaison avec Mademoiselle Monroe. Née à Los Angeles en 1926, dans la Cité des Anges donc, Marilyn, sa vie durant, n'avait en réalité qu'un seul désir, devenir une madone, figure-toi, et vivre ainsi. Oui, vivre comme une vierge. D'ailleurs, dès l'automne 1944, à 18 ans, Marilyn devient une image pieuse du sacrifice. En effet, un certain David Conover, photographe professionnel, lui propose pour la première fois de poser pour une campagne afin d'illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre, puisque Norma Jean bossait à l'usine où elle lignifugeait les ailes d'avion. Une sainte, Marilyn. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, puisqu'elle fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up. Seulement voilà, le révérend du comté où a grandi Marilyn ne l'entendait pas ainsi. Marie, es-tu devenue celle par qui tout le scandale arrive? Je suis terrifié pour toi. Je sais qu'ils t'ont fait quelquefois du mal, mais notre Seigneur nous ordonne de pardonner nos offenses. Tu dois lui obéir. Tu avais un travail honnête. Tu l'as délaissé pour t'embourber dans le péché, dans la perversion la plus effrayante. Tu te perds, Marie. Tu perds ton village avec toi. Je veux bien aller à l'église dimanche prochain, mais à une condition. Que vous disiez une messe à la mémoire de mon bouc. Marie, tu blasphèmes. Blasphème. Une messe à la mémoire de son bouc. De photos, bien sûr. Effrayée par cette diablesse, tout comme le fut Marie-Madeleine pour l'Église catholique, La société puritaine de l'Amérique profonde n'a alors cessé durant 20 piges de construire l'image d'une Marilyn prêtresse de la débauche et de la tentation. Ainsi, laisse-nous te dévoiler le récit des quelques jours qui ont suivi sa mort dans la nuit du 5 août 1962, lorsque Marilyn s'est pointée devant Saint-Pierre pour le procès de son âme. Une fois l'instruction bouclée, Marilyn, affolée dans l'antichambre du purgatoire, fut donc convoquée par le gardien des clés. Marilyn ? Bonjour. Bonjour Marilyn. C'est pourquoi ? Qu'est-ce que t'as depuis quelque temps ? Tu veux nous quitter ? Non, pas du tout. Allez, viens. Viens tout de suite, t'as du boulot qui t'attend. Allez ? Allez. Parlons pas de malheur, hein. Viens faire plaisir à ton bienfaiteur, comme dans le bon vieux temps. Oui, même Saint-Pierre avait un a priori mesquin sur Marilyn, et il fut prêt à succomber au charme de Mademoiselle Monroe, histoire de monnayer sa sentence. Mais la belle, bien sûr, s'y refusa. Pour son procès, de nombreux témoins à charge furent appelés à la barre du tribunal céleste. Et la cour des anges et des saints fut très attentive notamment à la déposition de John Fitzgerald Kennedy, pensionnaire du lieu lui aussi depuis quelques mois. Mais c'est-à-dire que si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. J'ai pas pu l'éviter, ben bon, j'ai pas pu l'éviter. Et je me demande d'ailleurs si un homme normalement constitué, sain d'esprit et de corps, aurait pu résister à rester 3 mois seul, dans, bon, puisqu'on en parle, dans les bras de Mademoiselle Marilyn Monroe, ou simplement tourner avec Mademoiselle Marilyn Monroe, je crois pas. Hein. Je crois que c'est difficile. Oui. Tous les témoignages concordaient. Marilyn Monroe devait être possédée du démon puisqu'il était impossible de lui résister. Son sort semblait scellé, bigote certes, mais tendance mente religieuse, et telle Marie-Madeleine, Marilyn Monroe serait prostitute. Alors qu'on s'apprêtait injustement à la condamner aux enfers, soudain, Dieu lui-même s'adressa à Marilyn Monroe. Vous êtes vraiment magnifique, vous savez. Je dirais presque que c'est un honneur d'être à côté de vous. Rien que vous voir, j'en suis tout ébloui. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Vous êtes la fille la plus triste que j'ai jamais connue. Vous êtes bien le premier à me dire ça. Les hommes prétendent que je respire la joie. C'est parce qu'avec vous, la vie paraît belle. Écoutez, pourquoi ne resteriez-vous pas quelque temps ici à attendre les événements? Vous savez, je pense que parfois, quand on ne sait pas quoi faire, le mieux, c'est de rester tranquille. Ici, quoi qu'il en soit, vous trouverez beaucoup de choses qu'on ne trouve pas souvent dans la vie. Ce fut la stupéfaction dans les coursives du tribunal céleste. Dieu le Père lui-même proposait à Marilyn de sauver sa tête et de s'installer à la cool au paradis. Aussitôt, Saint-Pierre tenta d'intercéder pour s'opposer à cette hérésie. Attends. Imagine les rumeurs, on avait déjà eu Elvis et Marilyn, Montand et Marilyn, DiMaggio et Marilyn, Kennedy et Marilyn, et maintenant, Dieu et Marilyn, Jesus. Ce à quoi le Très-Haut répondit à Saint-Pierre, « Eh oh, tu me lâches un peu, tu veux ? Réfléchis bien, c'est plus compliqué que ça en a l'air, mon fidèle Saint-Pierre. Écoute-moi bien. » La Vierge ou la putain, Marie ou Marilyn, peu m'importe ton nom, s'il y a la passion, s'il y a la communion des corps et des esprits, Paris ou Miami, vas-y pour la folie, vas-y pour l'insomnie, va pour le paradis. Les seins de Marilyn ou les seins de Marie, tu sais moi je m'en fous quand elle est à genoux, quand elle me dit vas-y jusqu'au bout de la nuit, en dessus son dessous, et moi ça me rend fou, moi ça me rend fou. Ça me rend fou, Dieu le Père avait tout compris de la psychologie de Marilyn. Elle voulait être madone, mais elle avait choisi le chemin de la souffrance, celui d'endosser l'expiation des fantasmes obscurs du mal. Mais bon, au final, on n'est pas si loin non plus des prétendues vertus de la virginité mariale. La frontière est ténue. Enfin bref, alors maintenant, afin d'approfondir notre théorie sur le refoulé religieux chez Marilyn, nous avons demandé à l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, de mener une enquête un peu plus pointue sur cette caractéristique troublante de la patiente. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses conclusions sur la mort mystérieuse de la star. L'interne, pointez-vous au labo, bordel! Allez, hop, démonstration! Los Angeles, Californie, 5 août 1962. À 4h35 du matin, le sergent Jack Clemens découvre le corps de Norma Jean Mortensen, alias Marilyn Monroe. À 5h15, l'annonce officielle de la mort de la star est faite à la presse. Selon les médecins Iman Engelberg et Ralph Grinson, la blonde platine serait décédée des suites d'une overdose de Nambutal. Mytho. Aujourd'hui encore, cette erreur de diagnostic véhicule une bien triste image de la star. Nous avons affaire à une écervelée. C'est-à-dire ? Elle a pas de cervelle. On dirait qu'on lui a vidé le crâne avec une cuillère à glace. La mort de Marilyn est plus complexe et il faut remonter à bien plus loin qu'à la nuit du 5 août 1962. Le 29 mai, troisième semaine de tournage pour George Cukor. Titre du film, quelque chose doit craquer. Prémonition, Marilyn, alors personnage principal du film, pète les plombs et quitte définitivement le plateau. Chérie, poupée, je te l'ai dit des centaines de fois, faut que tu arrêtes de chialer quand t'es sur scène. Je démissionne. Je fais ce plan-là toutes les semaines. Sauf que cette fois-ci, c'est vrai. Je t'annonce que j'ai besoin d'un changement spectaculaire dans ma vie. Fini les poupoupidou et compagnie. Été 62, Marilyn décide de changer radicalement. La culture gothique, c'est quand même un changement par rapport au quotidien des autres personnes. Bien, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Force. 1er juin 1962, date d'anniversaire de Miss Monroe. Grosse teuf en perspective. T'as jamais essayé d'invoquer les esprits? Non. Ils se manifestent si tu les appelles. C'est une sorte de possession. Comme s'ils te pénétraient, quoi. Ils te débarrassent de toutes les galères de ta putain de vie. Et alors là, t'as la pêche, quoi. Après un bon trip au Mexique, c'est pas vraiment la joie pour la nouvelle Marilyn gothique. Elle se fait jeter de tous les studios et ne fait pas vraiment l'unanimité dans le ghetto du showbiz. Mais bon, c'est ça aussi à vouloir ambiancer Mr. President. Il est des hommes qui, n'écoutant que leur cœur, se hâtent de secourir les âmes en peine, malgré leur tardive. Normalement, c'est 800 francs, Nicolas, mais en service de garde, je prends facilement 2 briques. Mais ne vous inquiétez pas. Mes clients ont les moyens. Je travaille essentiellement avec les gens du showbiz. Le mal est fait, Marilyn ne peut plus faire machine arrière. Faire le bien ou le mal, il n'y a que les sorcières pour choisir. Chaque fois que vous jetez un sort, vous subissez un triple choc en retour. Le 5 août 1962, nous sommes à Helena Drive et la nuit tombe sur la maison de Brentwood. Eunice Murray, gouvernante de Marilyn Monroe, constate que la star s'est endormie. Mais c'est entre 21h30 et 23h30 que le drame se produit. Mon Dieu, regardez Mary. Elle se transforme. Non, cette fois, c'est trop. On ne meurt pas toujours comme on a vécu, hein. Non, c'est vrai. Trop de gens ont mené une vie exemplaire et ont tout gâché par un départ précipité. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne insolente du ministère psychique pour son point de vue contradictoire sur le refoulé a priori donc gothique et satanique planqué chez notre patiente Mademoiselle Monroe. Mais bon, poursuivons notre analyse et nous allons justement constater, le temps d'une courte pause de musicothérapie, qu'en réalité, le psyché monroesque n'a cessé d'alterner entre la colère démoniaque et la douceur virginale. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. aussi fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les temps. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles. Bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. Marie Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Marie Douceur, Marie Colère, c'était l'avertissement de Marie Laforêt. Mi-ange, mi-démon, ce fut la sublime Marilyn, bien sûr. Toi qui es savant, tu sais ce que c'est qu'un stress. Ouais. Oui. C'est une tension aiguë de l'organisme, obligé de mobiliser ses forces pour faire face à une situation menaçante. Bon, alors à partir de maintenant, tu me considères comme étant en état de stress. Aigu. Alors, après avoir trifouillé les aspérités refoulées chez Marilyn Monroe, passons dès à présent à la propagation contemporaine des syndromes monroesques. Oui, mon ami, où se planquent les dérivés psychotiques légués par notre inquiétante patiente ? Car figure-toi, comme bien souvent, que les névroses de Marilyn Monroe ont été contagieuses. Et pour commencer, nous avons soumis son dossier à une analyse critique inspirée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit, un technicien de l'inconscient collectif, M. Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les influences de la psyché de Marilyn dans les pratiques artistiques et politiques. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons les influences monroesques après 7 ans de réflexion. L'expert jungien, pointez-vous au labo. Analyse. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Collègues psychanalystes, psychiatres, psychologues et profanes, il y a 100 ans, la psychologie était une variante de la sorcellerie. Mais ces génies que vous voyez alignés derrière moi ont mis du beurre dans nos épinards. Dès son enfance, Andy Warhol a collectionné photographies d'acteurs, affiches, magazines de cinéma. Oh, la photo a été prise très tôt le matin. Personne n'était encore levé. Il choisit une photographie de Marilyn. C'est moi. Mes cheveux étaient un peu plus longs alors. Vous avez remarqué ? Il la recadre. Il la tire en série en déclinant plusieurs variants. Vous aimeriez peut-être que je vous la dédicace avant de partir. Tout le monde me le demande. Bienvenue, Rachida Dati. Vous passez de femme politique à un peu people. C'est pas un jeu dangereux, ça ? On ne se rend pas bien compte, vous savez. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire la couverture de Paris Match. Mais chaque fois que je montre mes dents à la télévision, je suis vue par un public plus nombreux que celui que Sarah Bernard a pu avoir dans toute sa carrière. Je ne crois pas être la seule à avoir fait la couverture de Paris Match. D'autres l'ont bien fait bien avant moi. Oui, mais dans la catégorie depuis... politique comme ça, c'est un peu inédit, non ? Oui, il y a eu d'autres politiques qui ont fait la une de Paris Match. Bon. Journal populaire. C'est une chose qui s'est pensée. Quel pare-choc ! Merci, docteur. Je vous en prie. Les impulsions refoulées chez le mâle d'âge moyen. Leurs racines et leurs conséquences. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Ah, voilà un autre métro. gêne occasionnée. Elle a réfléchi tout le week-end avant de lâcher du lest. Le temps de mettre quelque chose sur moi. Je passe à la cuisine pour m'habiller. Un repli de Ségolène Royal n'est pas un renoncement, dit-elle. Oui, par ces temps de chaleur, vous savez ce que je fais? Je n'en fais plus un préalable. Je veux que nous montions d'un cran. Et donc, ce que je propose... Je mets mon linge de corps dans le frigébox. C'est que chacun mette au frigidaire les questions de candidature, soit au poste de premier secrétaire, soit pire, à l'élection présidentielle. En laissant la porte du frigo ouverte, et puis si je trempais les draps dans l'eau glacée... Oh non, je serais givrée. J'aimerais parler un peu plus d'un sujet déjà esquissé, les femmes et leurs zones érogènes. La contribution la plus déterminante, la plus significative et la plus exaltante de la femme à la perpétuation, de l'homme à sa pérennité. Et un joyeux bling-bling anniversaire. Nicolas Sarkozy aura demain 53 ans. Président de la République, ça donne pas le droit au bonheur. Pas le droit plus au bonheur qu'un autre. Mais pas moins qu'un autre. Vous ne le croiriez peut-être pas, mais les hommes passent leur temps à tomber follement amoureux de moi. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Il leur vient une drôle d'idée dans la tête. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Oui, ils se mettent à me proposer de devenir leur femme. Oui, tout le temps. Ce serait pire encore que d'habiter au club. Je devrais recommencer à rentrer avant 1h du matin. Oui, selon notre expert jungien, l'héritage collectif des troubles psychiques de Marilyn Monroe est aussi long que la liste de ses amants. Prenons par exemple l'obsession monomaniaque de Marilyn pour sa coloration capillaire platine. Eh bien, vois-tu, cette névrose de la blondeur séductrice a provoqué des ravages chez bon nombre de femmes des générations suivantes. Tiens, attachons-nous à un cas pathologique précis, celui de Laurence Ferrari. Pour commencer, tout le monde s'est demandé comment elle avait réussi à détrôner le pape du 20h sur TF1. Eh bien, au cours de dîners mondains, elle a beaucoup misé sur la séduction et Laurence, blonde comme les blés, fut souvent victime de mimétisme monroesque. Non sans agacer les autres femmes du dîner, d'ailleurs. Est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Non, ben ça, elle hésite pas une seconde, hein. Une travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse. Oui, mais écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Ah, cette jupe à ras-le-bonbon, là. Mais c'est bien simple. À chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement, là, toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant, ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces simagrées ou de la façon dont elles s'habillent. Mais si c'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je l'aurais giflé, moi, à ta place. Hein. Mais si tu savais ce que je peux en voir, des Marilyn. Mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée. C'est une vraie routine. S'il avait fallu que je les gifle toutes... Si, nous on peut. Car Laurence Ferrari, quand elle pose en escarpin pour le compte d'un canard mondain, à l'anguille, sur un canapé genre femme fatale hollywoodienne, elle se prend pour Monroe. Mais ça va pas, non. Au moins, Marilyn, elle, était de l'autre côté, celui des vraies stars. Et puis surtout, Marilyn fut une blonde à l'idiotie calculée, autrement dit, une experte redoutable dans l'art de manipuler la psychologie masculine. Vous savez pas ce que j'ai fait hier? Je me suis mise dans la baignoire pour dormir. Je me suis enfoncée jusqu'au menton dans l'eau glacée. Ça te semble être une bonne idée. Oh, mais le robinet coulait goutte à goutte. Il fermait mal. Ça m'empêchait de dormir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mon gros orteil dans le trou du robinet. Ça, au moins, c'est le système D dans toute sa splendeur. Oui, mais l'ennui, c'est que mon orteil s'est coincé, que je n'arrivais pas à le retirer. Mais Dieu merci, il y a le téléphone près de la baignoire. Alors, comme ça, j'ai pu appeler le plombier. Appeler le plombier? Ah oui, il était très chic. Pourtant, c'était dimanche. J'ai expliqué la chose à ce brave homme et il est venu immédiatement. Bon, ok, tu passes pour une truffe. Mais en réalité, Marilyn contrôlait tout. Et pour se faire passer pour une idiote, il faut avoir une sacrée dose de recul sur soi-même et entretenir une sympathique perversion. Mademoiselle Monroe se moquait d'elle-même et ne se prenait jamais au sérieux. Laurence Ferrari, quant à elle, reste persuadée que certains l'aiment chaud et que les hommes préfèrent les blondes, alors que la psyché de Marilyn, bien sûr, maîtrisait mieux que personne la supercherie de tout ce cirque. C'est donc une journée historique que nous venons de vivre. Que s'est-il passé? L'annonce par Nicolas Sarkozy d'un plan français et européen destiné à mettre fin à la crise financière. Qu'est-ce que fait la bourse ? Pour la première fois depuis des semaines, la bourse de Paris a fait un bond de 11%. C'est très intéressant. Peut-être un premier signe positif. Oui, ça c'est imprévu. Le gouvernement veut maintenant aller vite et le faire adopter avant la fin de la semaine. Si pendant que nous parlions, vous avez dû gagner des milliers de dollars. Et Nicolas Sarkozy réunira demain à l'Élysée les dirigeants des principales banques et compagnies d'assurance françaises qui devraient permettre d'évaluer les besoins en banque des banques en capitaux. Vous m'avez fourni des renseignements précieux. Voyez, dès demain, j'appellerai mon agent de change. Je me ferai acheter 100 000 actions de pétrole vénézuélien. Alors avant d'interroger le Premier ministre François Fillon qui est en direct sur ce plateau, on va revenir en détail sur les deux volets de ce plan. Et le pic de la crise est peut-être derrière nous. Et François Fillon est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais vous m'appelez quelqu'un. Et puis un autre cycliste qui lui va beaucoup plus vite, mais pour d'autres raisons. L'Autrichien Bernard Kohl a été contrôlé positif à la CERA, une EPO de nouvelle génération. Quel magnifique poisson! Il risque une suspension de 2 ans. C'est fou d'arriver à mettre d'aussi gros poissons dans d'aussi petites boîtes. Voilà, et avant de refermer ce journal, je vous rappelle qu'un plan historique de 360 milliards d'euros en faveur des banques a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans un instant, le téléfilm sœurthérèse.com. Bonne nuit, trésor ! Bonne nuit, trésor ! Redoutable enfant, machiavélique et cynique. Cela dit, la propagation post-mortem des névroses de la sublime blonde platine ne se cantonne ni au merveilleux monde du showbiz, ni d'ailleurs à la sphère féminine. Car figure-toi qu'au ministère psychique, certains de nos patients masculins sont également sujets à de violents troubles schizophréniques monroesques. D'ailleurs, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané 2 fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre ce petit présent. Il est de plus en plus dingue, mais c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, c'est moi, Marilyn. J'ai sur ma tête une perruche blonde. J'ai mis mes bas résines et je me dévergonde. Je suis bien désaxé, mais je ne suis pas une poupée de luxe. C'est trop cher. T'imagines combien pour une Barbie tu raques ? Tandis qu'avec moi, Marilyn, c'est Barbie tu riques. En plus, il me faut pas 7 ans de réflexion pour trouver le président W, relou. Pour lui, j'ai de l'aversion. Et la jupe au vent, je crie, bouche, dégoût. Oui, c'est moi, Marilyn. Mon président, c'est Uba, Obama. Je lui souhaiterai happy birthday. On ira à Bora Bora manger des papayes. Et je lui jouerai du ukulélé avec mes doigts sur les cocordes. Je suis trop con. What if I become? Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul. Gotta free my mind. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run, run. Run for my soul. I better go, go, go, go, go, go. Making sure I go slow. I got to run, run, run, run, run, run. Run for my soul. I better go, go, go, go, go, go. Making sure I go slow, slow. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Gotta be myself. Gotta find my goal. Things are getting strange. Yes, I need a change, but I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself, gotta free my mind, gotta change my soul, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run, run. chanson. Ratata, go go go go go. Making sure I go slow slow. I got to run run run run run. Run for my soul. Ratata, go go go go go. Making sure I go slow slow. I got to. C'était Aïe et son slow slow car Aïe. Dardard, il faut confronter notre patiente Marilyn au redoutable diagnostic différentiel de sa personnalité. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Loin de moi tout s'envole, dès que l'on m'aperçoit. Par de dures paroles, je suis montré du doigt. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et le ministère psychique a constaté à quel point cette mademoiselle Monroe a été sa vie durant une cible préférée pour schizophrènes de tout type dans notre société très policée. Et c'est sûr qu'elle a profondément marqué son siècle. La belle blonde, une certaine image de la femme qui fut décriée comme celle d'une belle poupée Barbie bien nunuche. Mais Marilyn, par ses choix de vie et sa faiblesse dont elle fit une force, a sans doute beaucoup fait pour aider à l'émancipation des femmes, et pas seulement des blondes. Hey, check, je suis pas une bombe platine, nique, je suis pas une blonde platine, check, tu veux pas que je t'égratine, tu galères, ben viens, je te présente DJ derrière les platines. Check, je suis pas une bombe platine, ni une bombe platine, DJ. Check, je suis pas une bombe platine, ni une bombe platine, DJ. Y'a trop de coquines, trop de balles, copines, de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer. Trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Que l'on soit bombe latine ou bien blonde platine, on a tous en nous quelque chose de Marilyn, même moi. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 7e consultation du ministère psychique consacrée ce matin à l'archétype de la star, la divine Marilyn. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Frédéric Potry. Merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beauchelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et Julien Dugast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations complémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique est très heureux, mais un peu perturbé, d'être confronté au psychique du général Glamour de Gaulle. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct sur Inter. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?